Vous êtes sur Énergie, soyez les bienvenus, moi c'est Lionel. Les Energy Music Awards 2013. C'est chaud, c'est la journée spéciale Energy Music Awards qui se poursuit dans le port de Cannes. Oui, oui, on est ici dans le 06 et dans toute la France, avec devant le yacht un public mais complètement en délire, avec des stars qui vont arriver ici au micro sur Energy, qui vont se succéder sur le bateau. On va vous lâcher les dernières places pour les Energy Music Awards. Il y a Emily Sandé qui arrive dans quelques minutes. Je vous donne le programme de la journée. 20h50 le show sur Energy et TF1. 19h30 la montée des marches à vivre sur Energy depuis le tapis rouge avec le costard, avec les photographes, avec toutes les stars. Et puis là donc on est sur le yacht Energy à Beach Yachting. On reçoit plein de messages parce que vous nous suivez dans toute la France pour vivre les coulisses de ces Energy Music Awards. Je salue Christophe à Brest qui m'a envoyé un joli message sur ma page Facebook Lionel Energy. Christophe, je t'ai lu, il vient de finir ses courses au centre commercial du Phare de l'Europe. Donc là il est dans sa voiture, tut tut, et il va se faire une grosse bouffe ce soir devant les Energy Music Awards avec ses potes. Donc salut Christophe, salut la Bretagne. Julien et Noémie Boulogne-Boncourt dans le 92, on a froid, envoyez la chaleur du sud. C'est vrai qu'aujourd'hui on a de la chance, il fait super beau. On est dans le port de Cannes sur le yacht. Limite on pourrait faire l'émission sur le ponton. Hein. Ah ouais non mais en terre, il fait un soleil de ouf à Cannes. Donc on vous envoie du soleil dans toute la France. Il y a Pitbull et Christina Aguilera qui arrivent sur Energy. On va accueillir Emily Sandé dans quelques minutes. Si vous avez des messages à balancer à Emily Sandé, ma page Facebook Lionel Energy, le Twitter hashtag Energy Hit Music Only. Et puis juste avant Pitbull et Christina Aguilera, c'est Ciné News, l'actu ciné avec Bertrand L'Aiguillon. C'est parti. Energy Ciné News. Au menu ciné, action et course-poursuite, genre Fast and Furious avec Arnold dans Le Dernier Rempart, comédie façon road movie en Argentine avec Nicolas Duvauchel dans Mariage à Mendoza. Comment tu t'appelles ? Lui, il s'appelle Cookie, c'est un petit chinois, Cookie, qui tombe dans les bras d'Alice Taglioni dans, bah, Cookie aussi. Mais qu'est-ce qu'on va aller voir ce week-end ? Je peux te parler franchement ? Allez, lâche-toi. Tu vas pas apprécier. Oh, mais je t'ai vu, toi. T'es dans le film Zero Dark sorti sur la traque de Ben Laden. Je suis pas ton ami. Je vais pas t'aider. Et ouais, c'est vrai que sans torture, difficile pour la CIA d'obtenir des réponses. T'as des questions ? Le film commence juste après les attentats du 11 septembre. On y découvre une femme incarnée par l'excellente Jessica Chastain et on suit ses 10 années d'enquête et d'échecs qui ont conduit à la capture du terroriste le plus recherché de la planète. Vous ne le trouverez jamais. Zero Dark Thirty, qui veut dire en jargon militaire à la nuit tombée, une histoire passionnante. Tu crois, toi, à cette histoire ? Oussama Ben Laden ? Énergie. Ciné News. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Awards.